Merci pour cette invitation. J'avais demandé à Fabien et Mathilde s'il était pertinent de m'inviter du fait que mes travaux sont en effet un peu décalés par rapport à Voltaire, au domaine genre et classe populaire, sur lequel j'ai un regard, disons, assez généraliste tant que membre d'une équipe pédagogique d'un master sur le genre, donc j'essaye de suivre un peu les travaux qui se développent dans le domaine, et c'est également le cas pour les questions d'âge, mais comme Mathilde l'a dit, j'ai fait ma thèse sur les controverses autour de la féminisation des professions sous la Troisième République, travaillant autour de l'usage de la revendication égalitaire et ses pratiques dans un régime qui met en avant cette thématique. Et c'est à partir de cette thématique égalitaire que j'ai rencontré les questions d'âge en m'interrogeant sur la montée d'un paradigme qui est de dénoncer des discriminations fondées sur l'âge. Et c'est assez récent historiquement. J'ai inscrit, disons, mon interrogation dans une histoire des revendications d'égalité depuis le 19e siècle, et notamment de l'égalité en droit, fondée sur le genre, l'âge, la nationalité, l'orientation sexuelle notamment. Donc une histoire des distinctions en droit et de leur contestation. Et un autre fil que j'ai tiré de ce premier travail de thèse qui a encore moins de rapport, et sur lequel j'étais en séminaire avec Michel Zancardini, c'est la question de l'histoire visuelle de la féminisation des professions, ou comment a été représentée la transgression que constitue l'accès des femmes à des rôles et des postures historiquement masculines. Donc depuis un an, je me forme en analyse de l'image. Alors, le numéro auquel j'ai contribué, duquel je vais partir pour essayer de lancer des pistes d'analyse sur âge et l'articulation avec genre et classe, ce numéro, donc, qui est un travail collectif, partait de trois constats que je vais rappeler, et puis ensuite j'essaierai de montrer quelle est la singularité de l'âge par rapport au triptyque devenu classique genre, race, classe, quelle est, en dépit de cette singularité, des pistes d'articulation, quelles sont ces des pistes d'articulation qui se développent et qu'on pourrait développer davantage. Alors, les trois constats, pas exceptionnels, à partir desquels on avait construit ce dossier, qui s'appelle la pyramide de l'âge par un choix éditorial de la découverte, mais c'était pas l'objet, n'était pas de dénoncer les méandres, la tristesse de l'inéluctable passage du temps et du vieillissement, donc ce que évoque un peu la pyramide de l'âge, mais plutôt de s'interroger sur les politiques et les polices de l'âge et l'âge comme catégorie d'action, de subversion éventuellement. Le premier constat est un constat sociologique. Alors en histoire, il me semble que on peut s'interroger si mon constat est valable aussi pour le champ historiographique, qu'il existe peu de littérature finalement sociologique sur l'âge comme catégorie, sur les seuils d'âge, qui appréhenderait l'âge à l'instar du genre. Et peut-être faudrait même un terme, puisqu'on dit, on a historiquement dissocié sexe et genre, ou en tout cas âge social et l'âge comme âge social versus âge physiologique ou âge chronologique. En tout cas, peu de travaux sur l'âge social comme catégorie de l'action publique, de l'organisation sociale, rapport de pouvoir. Il y a beaucoup de travaux de sociologie des tranches d'âge, sociologie de la jeunesse, sociologie du grand âge, de la vieillesse. Il y a eu à l'intérieur de ces sociologies des travaux qui se sont interrogés sur les redécoupages des tranches d'âge et des catégories d'âge liées à des transformations macro-sociales du type apparition d'un quatrième âge avec l'allongement de la durée de la vie. Développement d'une catégorie hybrides d'adolescents, qui seraient des adultes vivant encore chez leurs parents par difficulté d'accéder au marché de l'emploi, etc. Et donc, il y a des réflexes. Là, je n'ai pas une catégorie absente de la sociologie, mais il y a beaucoup de travaux qui réifient les tranches d'âge pour en faire un objet en soi, sans prendre pour point de départ la catégorie et la façon dont elle organise les rapports de pouvoir, les réglementations sociales, le droit, etc. Le deuxième constat porté sur, était un constat plutôt politique que sociologique, c'est celui que, malgré cette absence d'un courant sociologique sur la catégorie d'âge, il y a politiquement une montée de la contestation distinctions légales fondées sur l'âge, avec ce que j'évoquais tout à l'heure, l'avènement en droit de la notion de discrimination par l'âge et la façon dont des mouvements sociaux, des acteurs s'emparent de cet outil juridique et, animés par un sentiment d'injustice, dénoncent discriminations qu'ils auraient subies en fonction de leur âge. Et quand on regarde les jugements qui sont... alors, est-ce que ça s'appelle des jugements des délibérations, pardon. Quand on regarde les délibérations qui ont été portées par la HALDE, feu la HALDE, parce que ça s'appelle le défenseur des droits maintenant, donc la Haute Autorité de lutte contre la discrimination, l'âge fait partie des 18 critères qui sont de discrimination prohibés par la loi, aux côtés de l'âge, du sexe, de l'origine, de la situation de famille, l'orientation sexuelle, mœurs, caractéristiques génétiques, appartenance supposée ou vraie à une ethnie, une nation, une race, apparence physique, handicap, état de santé, état de grossesse, patronyme, opinion politique, conviction religieuse, activité syndicale. Dans ces 18 critères de discrimination, j'ai constater sur le site de la HALDE, qui il y a un an donnait beaucoup d'informations qui m'ont l'air plus du tout accessibles dans le site du défenseur des droits. Sur cette hiérarchie des critères et des motifs de délibération, on voyait que l'âge était le troisième motif de plainte après l'origine et le handicap. Toutes les affaires traitées par la HALDE. J'ai regardé par curiosité les 20 dernières délibérations sur l'âge, 13 concernaient la question de l'emploi et de la promotion, c'est-à-dire, et en général, des personnes qui voient refuser une promotion ou un emploi parce que considérées comme trop âgées. Dans des cas plus rares, elles sont considérées comme trop jeunes. Par exemple, quelqu'un qui ne peut pas bénéficier d'une augmentation de salaire liée à l'ancienneté en raison de son âge. Dans beaucoup de ces affaires liées à l'emploi et la promotion, donc beaucoup de ces affaires concernent l'emploi, la recherche et l'enseignement supérieur, en raison notamment de l'allongement très spectaculaire de la durée des études et de la fermeture du marché d'accès aux emplois liés à la recherche et l'enseignement supérieur, donc des gens qui se sont refusés des postes d'ATER ou des allocations doctorales ou des postes de chargé de recherche. Alors maintenant, suite à des luttes, la limite d'âge de 31 ans a été abolie pour l'accès, par exemple, aux postes de chargé de recherche CNRS. Mais il y a des luttes comme ça liées à la transformation du marché du travail. Donc ça, c'est 13 plaintes sur 20 concernent l'emploi et les 7 autres. Et les 7 autres concernent l'accès à des services. On refuse des vieux l'accès à une assurance ou à un service bancaire, ou à des jeunes, des gens considérés comme trop jeunes, la location d'une voiture, même s'ils ont 25 ans. Il y a cette montée des plaintes. Ce qu'on a essayé de se demander, c'est pourquoi ces distinctions légales fondées sur l'âge légale ou réglementaire, donc les limites d'âge inférieures ou supérieures dans l'accès à certains services ou certains postes sont de plus en plus perçues ou ressenties comme injustes alors que longtemps elles avaient été naturalisées. Et certains des articles de ce dossier, et de façon assez classique dans la sociologie des tranches d'âge dont je parlais tout à l'heure, mettent en rapport cette montée de la contestation avec les bouleversements sociaux plus larges, le fait notamment que le modèle normé des itinéraires biographiques, c'est-à-dire le fait que longtemps, jusqu'aux années 50, le modèle enfance chez ses parents, puis travail salarié lié à une autonomie, à la procréation, puis retraite liée au repos, etc. Ce modèle normé des itinéraires biographiques a été remis en cause par plusieurs facteurs. Le fait que la mise en couple ne coïncide plus tellement avec le départ du domicile parental, que les périodes d'emploi se succèdent avec des périodes de chômage, que le rapport à l'emploi est beaucoup plus discontinu, que des familles recomposées peuvent se forger beaucoup plus tard, donc un modèle moins normé, des parcours biographiques plus incertains et plus souples, ces changements eux-mêmes étant liés à des facteurs à la fois des luttes politiques, des luttes féministes pour la contraception, le fait que les femmes ont des enfants de façon plus longue, le calendrier de procréation est plus long, l'allongement. Donc il y a des facteurs, il y a des luttes, le travail des femmes, le contrôle de la fécondité, des facteurs liés à des changements médicaux, l'allongement de l'espérance de vie, des facteurs liés à la dérégulation du marché du travail, donc très hétérogènes, mais qui concourent à produire ce sentiment d'un anachronisme entre des normes parfois réglementaires, c'est-à-dire on ne peut plus faire telle chose à tel âge, on ne peut plus étudier à tel âge ou travailler à tel âge, et les changements sociologiques qui ont affecté la famille et les individus. Alors, donc c'était le deuxième constat de ce numéro, le troisième, enfin qui a présidé à la préparation de ce numéro, et le troisième, il a été évoqué tout à l'heure, il était plutôt lié à l'engagement de plusieurs participants de ce numéro dans les études de genre ou dans l'activisme féministe, partout le constat de cette hégémonie dont je parlais tout à l'heure, dans les études sur l'intersectionnalité du triptyque genre, race, classe, et on voulait essayer de comprendre pourquoi il était peut-être difficile d'intégrer l'âge à ce triptyque. Est-ce que l'âge pouvait être pensé comme un rapport de pouvoir, un capital, une catégorie, par analogie avec la race, la classe et le sexe, ou le genre? Il y avait une singularité propre de l'âge qui rendait difficile de telles articulations. D'autre part, on constatait, sans parler de l'intersectionnalité, d'un point de vue empirique très difficile à réaliser, mais même le courant genre et âge, donc en prenant que deux variables, il nous est apparu comme très peu développé en France, contrairement à la Grande-Bretagne ou les États-Unis, où il constitue finalement un champ assez bien identifié des études sur le genre. En France, Mathilde a mentionné tout à l'heure le numéro de 2011, le dernier numéro de genre, sexualité et société qui porte sur vieillir. Il me semble que c'est un assez singulier dans les études de genre un tel numéro, et ça montre que cette thématique commence à émerger. La plupart des articles des années 90-2000 sur genre et vieillissement se trouvent plutôt dans des revues de gérontologie, par exemple, que de sociologie ou d'histoire. Le fait présent du genre faire présence de l'âge dans les études sur le genre et faire présence de l'âge dans les luttes féministes. La dimension genrée du vieillissement a très peu fait l'objet de luttes féministes en tant que telles, et le sujet politique du féminisme est plutôt la femme en âge de procréer et de travailler, plutôt que la femme ménopausée, sortie du marché de l'emploi, pour le résumer assez vite. Quand on prend les grandes mobilisations qui ont marqué l'histoire du féminisme contemporain, la libre disposition du corps fécond, plutôt que du corps en général, c'est-à-dire qu'on n'a pas lié l'idée de libre disposition du corps à des revendications sur l'euthanasie, par exemple. L'école, la socialisation scolaire, les manuels scolaires, donc concernant plutôt les fillettes, l'égal accès aux emplois, l'égalité salariale, la lutte contre la précarité du travail, et la lutte qui s'est beaucoup développée dans les années 90 contre la réduction des femmes au statut d'objet sexuel à travers tous les collectifs anti-pub, la critique des représentations des médias, etc., ou ce qu'on a vu par exemple récemment en Italie sur les critiques des femmes objets à la télévision. Donc on s'est intéressé beaucoup aux stéréotypes de la femme jeune et belle comme étant un obstacle à l'accès au pouvoir des femmes en âge de travailler, et alors comme étant une stratégie de discrédit des femmes, mais peu aux stéréotypes sur les femmes âgées qui sont pourtant tout aussi nombreuses. D'autre part, indépendamment de la question de la dimension genrée du vieillissement et des luttes qui concerneraient spécifiquement le vieillissement au sein des luttes féministes, cette question de la vieillesse est aussi une question sur lequel le féminisme en tant que mouvement politique peut avoir des choses à dire, notamment le féminisme en tant que pensée, par exemple, de la solidarité entre toutes les femmes. Il a beaucoup été question dans les débats sur quel est le sujet politique du féminisme, justement de critiquer l'idée que le féminisme serait simplement réapproprié serait monopolisé par les femmes blanches de classe. Les femmes blanches, bourgeoises, dominantes, qui parleraient au nom de toutes les femmes. Et il y a eu tout un travail de lutte au sein du mouvement féministe pour diversifier le sujet politique du féministe et inclure le féminisme noir et toutes sortes de regards subalternes sur le féminisme dominant. Mais la question de l'âge a été peu intégrée à ces problématiques sur... le sujet ou les porte-parole des féministes, alors même que, dont je disais, le féminisme est une pensée de la solidarité entre toutes les femmes et de la solidarité entre les générations diverses de féministes. La question, là aussi pour connecter les débats au sein du féminisme actuel et les débats sur l'âge et la façon dont l'âge pourrait être une question qui s'intègre dans les débats féministes que j'ai mentionnés, la question du care ou le souci des autres ou la sollicitude comme étant un attribut qui a été assigné aux femmes et qui peut être signifié positivement, politiquement, comme étant une nouvelle manière de définir les rapports sociaux contre le virilisme, contre la domination, etc. Donc c'est aussi des thématiques qu'on trouve dans l'écoféminisme. Ces courants-là du féminisme peuvent aussi prendre la vieillesse comme une espèce de paradigme de la vulnérabilité humaine, ou comme une façon de critiquer la binarité entre actif et inactif, performance et incapacité, etc. Et donc, de prendre la vieillesse aussi comme un pôle de critique de l'identité dominante. On a intitulé dans le numéro de mouvement, on a fait un entretien avec Thérèse Claire, militante féministe et anti-agiste de 87 ans, qui a fondé donc la maison, la maison de retraite autogérée des Baba Yaga à Montreuil. Et on a intitulé cet entretien « La vieillesse, une identité politique subversive » parce qu'elle revendique la position marginale de vieux comme une position donc dans l'ordre social qui peut devenir un pôle de contestation des normes liées au jeunisme et à la performance. Donc c'était un petit peu toutes ces questions qui ont animé ce numéro qui voilà, articulé à la fois des questions générales sur l'âge et les discriminations et d'autres plus spécifiques sur l'angle genre, âge et vieillissement. Alors, donc deuxième point de mon intervention, donc, je disais, consiste à s'intéresser à cette question de la singularité de l'âge et essayer d'explorer peut-être quelques pistes qui rendent difficile son articulation avec le genre, la classe et la race. Alors, là, je reprends aussi des éléments qui ont été identifiés dans le mouvement et qui sont connus, par exemple, des juristes qui ont à écrire ou à interpréter le droit de la discrimination par l'âge. La première singularité de l'âge par rapport aux autres variables, catégories d'analyse ou rapports de pouvoir que j'ai mentionnées, et la mobilité des identités d'âge, une mobilité biographique et situationnelle. Alors, on connaît les métaphores du conflit des générations, de la lutte des âges, et on peut voir, on peut identifier socialement des antagonismes ou des rapports de pouvoir qui seraient liés à des rapports sociaux d'âge, et souvent des conflits sociaux sont lus de cette manière, le mouvement étudiant, etc., 68 ou autre, mais on voit bien que les identités sociales ou politiques qui peuvent être constituées à partir de critères d'âge sont beaucoup plus mobiles de par l'irréversibilité de nos trajectoires temporelles que les identités de genre, de classe ou les identités racialisées. Alors, la mobilité, cette mobilité est double, je disais, elle est biographique et situationnelle. On ne peut que changer sans arrêt, continuellement, avec des marqueurs parfois plus forts d'identité d'âge. Certains voient dans cette spécificité d'âge une raison pour laquelle il est impossible de parler de discrimination par l'âge, ou il est compliqué de parler de discrimination par l'âge, puisqu'il existerait une égalité sur les vies complètes. C'est-à-dire que, en tant que jeune, on n'a pas accès à tel droit, ou à tel avantage, ou à telle situation, mais on y aura le droit plus tard, donc ce n'est pas comparable à des discriminations fondées sur le sexe. Par exemple, puisqu'il est plus compliqué de passer d'un sexe à l'autre pour accéder aux droits qui seraient réservés à l'autre sexe que de passer d'un âge à l'autre, qui est un processus inéluctable. Alors, on voit bien que là, il faut faire intervenir la classe sociale pour critiquer la classe sociale et le genre pour critiquer cet argument de l'égalité sur la vie complète, puisque selon le genre et la classe sociale, on n'a pas la même probabilité d'arriver au même âge, d'avoir la même espérance de vie, le même âge physiologique, et donc là, tous les travaux de sociologie sur genre, classe sociale et santé, sur les effets du travail, sur les parcours de vie, peuvent être mobilisés. L'autre mobilité, je disais, est situationnelle, c'est-à-dire que la façon dont on est perçu comme jeune ou vieux varie pour une même personne très fortement selon les situations, selon qu'on cherche un emploi ou qu'on cherche à séduire, qu'on veuille pratiquer un sport ou imposer sa parole dans une assemblée, selon surtout l'âge de nos interlocuteurs. En tant qu'enfant, par exemple, on fait sans arrêt l'expérience d'être grand ou d'être petit, de passer de la grande section à être plus petit à l'école, etc. Et donc, évidemment, l'identité d'âge est relationnelle d'une façon plus marquée que les identités racialisées ou de genre, même si, évidemment, on peut comparer à la racialisation puisque on est perçu comme étranger ou non étranger selon l'endroit où on se trouve. On appartient aux majoritaires ou aux minoritaires, mais ces situations dans une vie sont moins variables, peuvent être moins variables dans une même journée, par exemple, que le changement des identités d'âge et de genre, évidemment, encore la prégnance. La stabilisation de notre perception comme homme ou femme est beaucoup plus lourde que de nos âges. Et bien sûr, pour l'âge, évidemment, ça diminue avec le temps, puisque plus on est un vieillard, plus on est vieux dans toutes les situations, puisque plus vieux que soi se raréfie. Donc ça c'était la première dimension, mobilité. Mobilité biographique et situationnelle des identités d'âge. Deuxième singularité de l'âge, qui a aussi à voir avec la question de la fluidité de mobilité, c'est que la place que l'âge nous confère dans les rapports de pouvoir est elle-même assez instable. C'est-à-dire qu'il y a des situations où c'est socialement un avantage d'être jeune, accéder à certains emplois liés à l'usage d'un corps fort ou à la beauté, en tout cas à l'apparence physique, être socialement légitime sur le marché de la rencontre amoureuse et sexuelle, rentrer dans une boîte de nuit, bon, on peut donner 1000 exemples, et d'autres où c'est un avantage d'être plus âgé pour accéder à certains biens, louer un appartement, accéder à certaines carrières qui valorisent l'expérience, avoir de l'autorité, etc. Et donc, les deux stéréotypes, celui du pouvoir gris, du pouvoir des vieux, et celui du jeunisme, existent, et ils existent, ils nous paraissent, l'un et l'autre, fondés sur des exemples empiriquement mobilisables. Là aussi, c'est moins vrai du genre ou de la race, où les avantages qu'on peut retirer en tant que femme ou que minorité racialisée sont relativement limités ne peuvent apparaître que comme des compensations de la domination, par exemple. Alors, troisième niveau de singularité de l'âge. Il réside dans sa valeur politique ou idéologique, au sens où, historiquement, le fait d'avoir établi des distinctions fondées sur l'âge a été également pensé comme un moyen de produire de l'égalité. Et je renvoie à l'argument précédent sur l'égalité des vies complètes, c'est-à-dire que le fait que les enfants ne puissent pas faire certaines choses, que les vieux ne puissent pas faire d'autres choses, signifiait aussi que, quelles que soient les classes sociales, tout le monde fait la même chose au même âge. Et c'est ce que j'évoquais tout à l'heure dans la standardisation des parcours de vie. La rigidité de l'organisation de notre société en classe d'âge, l'école maternelle, l'école primaire, l'entrée de l'emploi, la sortie de l'emploi, a aussi été pensée ou défendue comme une construction égalitaire, quelles que soient donc les classes sociales, des parcours de vie. Et donc, c'est un peu différent pour les distinctions juridiques fondées évidemment sur des critères raciaux ou de genre qui, là, ont été producteurs de différenciation pour des individus. Autre singularité, donc toujours dans le champ des singularités idéologiques ou politiques du critère d'âge, elle rejoint la précédente, la prise en compte du critère d'âge comme principe d'organisation et d'attribution de droits a eu historiquement une valeur protectrice. L'idée qu'on interdit à des enfants de travailler ou à des mineurs de se marier ne nous semble pas injuste comme l'interdire aux Noirs. Interdire aux moins de 18 ans de voter ne nous semble pas injuste comme l'interdire aux femmes. Obliger les gens d'arrêter tel emploi après 60 ans ne semble pas du même ordre que l'interdire à quelqu'un pour son orientation sexuelle. Toutes les mesures que j'ai citées ont limité des droits pour des personnes en fonction de leur âge, mais avec une intention protectrice. Pour cette raison-là, donc elle s'inscrit dans une histoire de l'État social et de l'État-providence, et dans des luttes, par exemple les luttes pour les droits de l'enfant, ou les luttes pour l'instauration d'un système de retraite. Et de ce point de vue, revendiquer une société neutre du point de vue de l'âge, c'est-à-dire que tout le monde aurait les mêmes droits, quel que soit leur âge, n'a pas du tout la même valeur politique que de revendiquer une société neutre du point de vue du genre, c'est-à-dire que revendiquer que chacun ait les mêmes droits, quel que soit son sexe. On constate cet écart idéologique et politique dans le fait que la dénonciation des discriminations sur critères d'âge peut être portée à la fois par des mouvements qui revendiquent plus d'égalité et de capacité d'agir contre l'âgisme. Il faut que les enfants aient plus d'autonomie, que les gens qui puissent vouloir travailler puissent le faire, etc., plus longtemps. Mais ça peut aussi relever d'une logique tout simplement de démantèlement des protections sociales dans une logique, on va dire, ultra-libérale, il faut que les enfants et les plus de 65 ans continuent à travailler. Ces spécificités sont prises en compte, évidemment, dans le droit, où l'âge est une discrimination, et les discriminations par l'âge n'ont pas exactement le même statut que les discriminations sur l'origine ou le genre. Alors, la conséquence de cette singularité, de ces diverses singularités, on pourrait dire qu'il est difficile de constituer des mouvements sociaux, des mobilisations construites sur des catégories d'âge, des identités politiques d'âge, même si on a vu apparaître récemment des mouvements, comme je citais les Baba Yaga, donc collectif de femmes âgées féministes revendiquant à la fois l'autogestion la solidarité féministe pour une vieillesse différente, ou les Panthères Grises, qui sont là aussi des associations de lutte pour une autre vision de la vieillesse, etc. Mais il est dans beaucoup des affaires que j'ai citées ou que j'ai repérées à la halte sur les discriminations par l'âge, c'est souvent des individus singuliers qui traitent leurs affaires, leurs propres affaires, et pour l'instant on n'a pas vu se constituer des mouvements politiques ou des mobilisations autour de la problématique de l'âge. Disons que ça contribue à expliquer que la race, la classe et le genre ont été beaucoup plus problématisés et politisés dans les mobilisations. Alors, malgré tout, deuxième mouvement, après la singularité et les points communs, malgré tout, on sent bien qu'il existe des analogies d'une part, et des imbrications d'autre part, entre les rapports sociaux d'âge, ou les catégories d'âge, et les relations construites par le genre et la racialisation. Les analyses, par exemple, de Colette Guillaumin, qui sont assez généralement mobilisées dans les travaux sur le racisme et le sexisme, qui analyse le racisme et le sexisme comme un rapport de pouvoir qui a une forme mentale, peuvent être transférés en partie lorsqu'on s'intéresse aux rapports sociaux d'âge. L'idée que l'âge peut être un capital, qu'il construit des rapports de pouvoir et qu'il constitue une norme dont la transgression produit des coûts pour l'individu, est assez évident à constater. L'expression des coûts de la transgression a été beaucoup utilisée en sociologie du genre pour montrer que la femme masculine ou l'homme féminin, avec toutes sortes de guillemets, est stigmatisée pour avoir transgressé les normes de genre, comme les transfuges de classe le sont également lorsqu'ils déroge aux habitus liés à leur classe d'origine. Et on sait bien que la vieille qui veut faire jeune, soit par sa manière de se vêtir, de se tenir, de revendiquer un désir sexuel, par exemple, ou de façon plus marginale, la fille mère est typiquement une jeune fille qui n'a pas respecté ce modèle normé d'itinéraire biographique en devenant mère à un âge où il n'est pas socialement considéré comme digne d'accomplir ce rôle, sont l'objet de stigmatisations qui peuvent être comparées à d'autres formes de stigmatisation. Rosemary Lagrave, dans son article dans Mouvement sur un regard féministe sur le vieillissement, s'interroge sur ce que signifie cette injonction qui est de faire son âge, puisque faire son âge renvoie toujours à un certain type de normes, de construction normée ou stéréotypale de qu'est-ce qu'on doit faire à tel âge, et pourquoi, se demande-t-elle, quand on a dépassé tel seuil, 60 ans, 70 ans, bon, ça évolue selon les périodes, il faudrait s'habiller de telle ou telle manière, incarner la sagesse de l'expérience, renoncer au désir, s'intéresser uniquement à ses petits-enfants, etc. Et sur cette question, donc je recite Thérèse Claire, donc fondatrice des Baba Yaga, qui s'interroge aussi sur des façons de s'habiller, de se mettre en valeur, de se maquiller avec un corps qui donne des signes de décrépitude, c'est-à-dire d'une façon qui ne soit ni une imitation des normes assignées à la jeunesse, ni un renoncement à produire des effets esthétiques. Voilà. La question des normes et de leur transgression. Deuxième élément d'analogie, si on reste dans l'approche analogique, et si on reste là du côté des analyses de Colette Guillaumin sur, par exemple, les stéréotypes, Guillaumin a montré que l'individualité, le droit d'être perçu comme un individu singulier et le privilège des dominants, les membres des catégories dominées voient souvent leurs actions interprétées comme un effet de leur appartenance à cette catégorie. Tu conduis mal parce que tu es une femme, un tel a accompli, et notamment quand il s'agit d'expliquer des comportements socialement négatifs, donc la déviance, un noir, s'il est violeur, c'est parce qu'il est noir, un blanc, c'est parce qu'il a eu tel malheur dans son enfance, donc une histoire singulière, il y a une psychologisation d'un parcours atypique, etc. Le fait que les dominants ont le privilège de voir se restituer une individualité alors que les dominés se voient ramener sans cesse à leur catégorie, fonctionne également pour l'âge et la façon dont on catégorise très rapidement les vieux comme l'action des vieux comme étant une manifestation de la sénilité est assez frappante de façon plus euphémisée voir aussi des tels fonctionnements avec les adolescents où tout ce que fera l'adolescence c'est parce que il est dans sa crise d'adolescence. Donc voilà quelques éléments d'analogie. Et j'en viens à l'interprétation ou l'intersectionnalité de ces catégories genre, âge, race, classe. Alors, premier constat évident, donc c'est le dernier point de cette présentation hein, sur la question de l'imbrication. Le premier constat évident sur l'imbrication, les rapports sociaux de classe, de genre et de race ont des effets sur l'âge physiologique et j'ai parlé tout à l'heure des travaux dans le champ classe sociale, genre et santé. On sait bien que bien vieillir ou vieillir jeune est un privilège des classes dominantes lié à l'alimentation, la santé, le type d'activité effectuée. Mais on sait aussi que l'espérance de vie des femmes, qui est un phénomène, l'espérance de vie supérieure des femmes, qui est un phénomène souvent supérieur aux hommes, à l'espérance de vie des hommes, qui est un phénomène souvent naturalisé, est très lié lui aussi à des faits sociaux liés à la socialisation féminine et à l'attention à soi et aux autres, alors que la construction sociale de la virilité est construite davantage autour du risque. J'entre pas dans ce premier aspect du débat qui porte là sur les non pas sur l'âge social, mais l'âge physiologique et les effets de la classe et du genre sur la durée de la vie, par exemple. J'insisterai sur deux autres éléments où l'imbrication de la classe du genre et de l'âge moins lié à l'âge physiologique mais plus à l'âge social, on va dire, c'est que premièrement l'âge peut signifier d'autres rapports de pouvoir on peut penser aussi encore d'un point de vue analogique aux travaux de l'histoire coloniale et postcoloniale qui, par exemple, à partir des travaux d'Anne-Laura Stoller qui a montré que le langage du genre a pu signifier des rapports coloniaux, les indigènes et les dominés, les esclaves étant présentés comme féminins par rapport aux hommes blancs coloniaux qui incarnaient les normes de la virilité civilisée. On sait que donc si le genre a signifié d'autres rapports de pouvoir et notamment des rapports racialisés, de même l'âge signifie aussi souvent des rapports de classe et on le sait à travers l'usage maintenant assez longtemps de la catégorie de jeunes le discours social et dans le discours médiatique, quand on dit que des jeunes ont brûlé des voitures, etc., on ne parle pas forcément d'un âge. On sait qu'on ne parle ni de femmes, ni de blancs, et pas forcément de jeunes, au sens de mineurs, mais que c'est une façon de parler de la racialisation ou de la marginalité sociale, comme l'avait montré Chambaud-Redon dans un article déjà des années 80 sur la juvénisation. Et de façon plus générale, on sait que les groupes minorisés, les groupes dominés, sont perçus socialement comme jeunes plus longtemps et comme vieux plus rapidement, ou autrement dit, que c'est l'accès au statut d'adulte ou l'adultéité qui leur est refusée, ou en tout cas qui apparaît comme un privilège des dominants. Être trop jeune ou trop vieux pour quelque chose, c'est une façon de ne pas avoir le statut social ou l'envergure qui permet d'accéder à tel ou tel pouvoir, ressources ou capital. J'avais remarqué par exemple dans ma thèse sur l'accès des femmes à les pionnières, c'est-à-dire les premières femmes qui ont accédé à des métiers et des professions historiquement masculines sous la Troisième République, que la presse les qualifiait sans arrêt de jeunes femmes. Cette jeune femme, haute comme trois pommes, qui est sur ce gros chantier, etc. Et quand bien même elles n'étaient pas spécialement jeunes par rapport à leurs collègues, ni spécialement petites en tant que femmes, par rapport à la moyenne, mais c'était une façon de désigner à la fois leur fragilité perçue et aussi le fait qu'elles n'étaient pas tout à fait à leur place ou qu'elles n'avaient pas la stature attendue. Le jeune, c'est celui qui n'est pas autonome, qui n'a pas accès encore à l'autonomie, pas encore accès au pouvoir, pas encore accès au statut. Et des travaux ont montré que la perception sociale des immigrés est comparable, ils sont perçus comme jeunes plus longtemps, comme vieux plus rapidement, et donc comme exclus plus manifestement exclus des privilèges de l'adulte. Troisième et dernier élément, piste plus large d'intersectionnalité, je l'ai évoqué tout à l'heure à propos du féminisme. On peut montrer, et plusieurs travaux vont dans cette voie, que l'âgisme ou la discrimination par l'âge est une des formes de structuration du sexisme et de l'hétérosexisme dans nos sociétés. Alors, je vais expliciter cette idée. Il y a tout un champ de travaux que je vais laisser de côté, mais qui sont un peu connexes, qui portent sur les temps sexués de l'activité, c'est-à-dire tous les travaux qui montrent que la maîtrise du temps est un enjeu de rapport de pouvoir, évidemment, entre classes sociales, ceux qui disposent de temps pour les loisirs ou pas, et entre hommes et femmes ayant statistiquement un temps contraint inégal, le temps des tâches domestiques, des soins aux ascendants et aux descendants, du soin pour les autres, etc. Et donc, il y a de façon connexe à l'âge des travaux qui s'intéressent aux inégalités sexuées dans le contrôle sur le temps libre et le fait d'en disposer. Il y a aussi, et c'est un des seuls domaines qui a été sur les questions âge et genre et inégalité, travaillé de longue date, à la fois par les mouvements féministes et par la sociologie, les inégalités de retraite, là aussi liées aux différences de parcours hommes et femmes dans leur carrière et le fait que statistiquement, le fait que les femmes ont eu des carrières plus discontinues, plus précaires et plus courtes, se produit des inégalités assez phénoménales, puisque en moyenne, les femmes ont 40% de moins de retraite que les hommes en France. Et donc, il y a des travaux aussi sur cet aspect-là de l'articulation entre genre, âge, temporalité et parcours de vie. Plus au cœur des articles qui sont abordés dans le dossier de mouvement, la question de la parentalité et de la filiation et la question de la séduction et de la perception du vieillissement en fonction de l'âge renvoie donc à ce que je disais en disant que l'âgisme est une des formes de structuration du sexisme. Plusieurs contributeurs du numéro, notamment Marc Bessin et Ilana Lobby, ont travaillé sur les inégalités d'âge et de genre liées à la construction sociale de la parentalité et de la filiation. Marc Bessin s'est intéressé à la perception sociale de la parentalité tardive. Il a montré comment les mères sur le tard et les pères sur le tard sont jugés socialement de façon très différente et la condamnation sociale des mères âgées est sans commune proportion. Enfin, le regard social sur les pères âgés est beaucoup plus tolérant que celui sur les mères âgées, même quand l'écart d'âge est important à la faveur des hommes, c'est-à-dire que même des hommes très très vieux ne sont pas socialement condamnés de devenir parents sur le tard. Et Ilana Lowy, elle, s'est intéressée à la question de la procréation médicalement assistée, et elle a montré que la procréation médicalement assistée est souvent calquée et les normes d'âge pour l'accès à la procréation médicalement assistée sont souvent calquées sur faits biologiques liés à la ménopause et à, je cherche le chiffre je retrouverai plus tard dans l'article. Elle constate que on reproduit dans le cas de la procréation médicalement assistée un écart d'âge attendu du père et de la mère en exigeant que les mères et c'est la même chose souvent dans les cas d'adoption soient plus jeunes que les pères au nom d'une espèce de reproduction de la ménopause qui est plus précoce pour les femmes que pour les hommes et avec aussi l'argument qu'il ne faut pas que des enfants aient des mères âgées alors même que le fait qu'ils aient des pères âgés là aussi n'est pas condamné, sachant qu'il ne s'agit pas de mères de 70 ans, mais de mères qui ont un peu plus de 40 ans, entre 40 et 50 ans. Et elle utilise cet exemple en étudiant diverses législations diverses législations nationales, israéliennes, américaines, françaises, sur la procréation médicalement assistée, pour montrer la sélection sociale des différences biologiques entre les sexes. Puisqu'elle dit que du fait que la ménopause féminine est plus précoce que l'andropause, on s'appuie sur ce fait pour exiger des mères adoptantes ou à travers la procréation médicalement assistée qu'elles soient plus jeunes en dévalorisant les mères âgées, alors même qu'on aurait pu sélectionner comme autre fait la plus grande longévité féminine pour, et l'espérance de vie supérieure des femmes pour au contraire, exiger que les hommes soient plus jeunes que les femmes. Donc elle montre que il y a une sélection, un prisme sexiste dans l'utilisation des différences biologiques entre les sexes dans la législation sur la PMA et l'adoption. Le deuxième et dernier aspect pour illustrer l'articulation entre agisme et sexisme concerne, je disais, la question de la séduction et de la sexualité, et je pense à tous les travaux qui là sont mobilisés dans le numéro sur genre, sexualité et société, dans le numéro sur désir, qui portent sur les enquêtes sociologiques sur les comportements sexuels et qui constate la mise à la retraite précoce des femmes sur le marché de la séduction et le marché conjugal. Quand je dis précoce, c'est évidemment par rapport aux hommes. Là, je pense à tous les travaux de Michel Bozon sur des enquêtes sur les comportements sexuels des Français qui sont confirmés. En tout cas, les résultats sur les enquêtes américaines et états-uniennes sont convergentes. L'un des chiffres que donnent Michel Bozon et Nathalie Bajos porte par exemple sur la tranche 60-69 ans. Donc, dans leur dernière enquête, 37% des femmes de 60-69 ans n'ont pas eu de partenaire sexuel dans les 12 derniers mois, contre 16% des hommes. Donc une inégalité qui est liée aussi au fait que les hommes ont accès beaucoup plus que les femmes à des partenaires plus jeunes, et donc la solitude à partir de 60 ans et des femmes est plus grande que celle des hommes de leur tranche d'âge. Ce que Michel Bozon appelle l'hétérogamie générationnelle, le fait que les hommes aient accès, les hommes plus âgés aient accès à des femmes d'une génération plus jeune, ou de, pas forcément d'une génération au sens sociologique, mais en tout cas plus jeune. Aussi bien Ilana Lowy que Michel Bozon mettent en rapport là aussi cette mise à la retraite sexuelle des femmes avec l'omniprésence du discours sur, ou la focalisation qui perdure sur un temps T du corps des femmes, qui serait celui de la ménopause, comme événement de clôture sur la vieillesse, et qui disqualifierait les femmes dans une tranche d'âge entre 40 et 70 ans, où au contraire les hommes accèdent au pouvoir économique, professionnel, politique, par exemple, puisque Ilana Lowy remarque par exemple qu'à la télévision, les hommes qu'on voit le plus sont des hommes de la tranche 40-70 ans. Parce que c'est le moment dans la trajectoire masculine où on accède au pouvoir, et alors même qu'à ce moment-là de la vie d'une femme, il y a une disqualification qui passe aussi par stigmatisation de ces traces de vieillissement. Là, plusieurs travaux montrent que les visages féminins et masculins, et le vieillissement physique féminin et masculin, est vu à travers un prisme perceptuel, socialement construit, très différent. Le regard sur le vieillissement féminin se focalise sur les rides, alors qu'un homme ridé peut être encore perçu comme séduisant. Il y a eu par exemple des travaux aussi d'artistes et de sociologues qui montrent qu'une femme déguisée en homme, ou travestie, ou qui fait une transition sexuelle à travers une opération, une femme devenue homme est perçue comme beaucoup plus jeune que dans son état antérieur de femme, elle perd 10 ans, parce qu'on se met à la regarder comme un homme, et se mettant à la regarder comme un homme, on la voit plus jeune, parce qu'on focalise moins le regard sur certaines phases physiques du vieillissement qui attirent notre attention lorsqu'on regarde des femmes. Et c'est vrai aussi pour les cheveux gris, qui sont un signe vraiment complètement anecdotisé pour un homme, et qui sont un signe terrible, perçu comme devant être caché pour les femmes. Et je citerai juste deux citations, je donnerai juste deux citations sur cet élément qui a été constaté déjà par leur propre expérience, par de nombreuses écrivaines. Beauvoir, dans Le Deuxième Sexe, dit à propos des hommes, parce qu'on ne lui demande pas les qualités passives d'un objet, l'altération de son visage et de son corps ne ruine pas ses possibilités de séduction. Et Simone Signoret, 1979, dans un ouvrage autobiographique, écrit « Nous avons le même âge, Montand et moi, donc Yves Montand, acteur et compagnon de Signoret. S'il a vécu mon vieillissement à mes côtés, moi j'ai vécu son mûrissement à ses côtés. C'est comme ça qu'on dit pour les hommes, ils mûrissent. Les mèches blanches appellent des tempes argentées, les rides les burines, alors qu'elles en laidissent les femmes. Donc on pourrait faire de longues litanies de citations sur ce constat de la brève, les limites, les bornes chronologiques assez étroites qui délimitent le pouvoir féminin de la beauté, et toute une littérature aussi au XIXe siècle, la femme de 30 ans de Balzac, etc., Nana d'Émile Zola, Sappho, etc., de Daudet, toute une littérature dresse comme ça la déchéance de la femme belle devenue vieillissante et qui perd justement tout son pouvoir de séduction et donc tout son pouvoir puisqu'elle n'avait que ce pouvoir. Dans le rapport, dans le dernier numéro de Genre, Sexualité et Société, Rosemarie Lafave a fait un autre article où elle s'intéresse aux autobiographies féminines et à la façon dont a été intériorisé ou resignifié vieillissement. Certaines écrivaines se sont appliquées à essayer de resignifier les rides ou le vieillissement, de lui donner une autre valeur politique ou esthétique. Et on peut penser à la phrase que Duras met, l'incipit, la première phrase de l'amant. Elle est déjà vieille et elle cite ce qu'on lui a dit dans une rencontre au hasard. Tout le monde dit que vous étiez belle lorsque vous étiez jeune. Je suis venue pour vous dire que pour moi, je vous trouve plus belle maintenant que lorsque vous étiez jeune. J'aimais moins votre visage de jeune femme que celui que vous avez maintenant dévasté. Et donc l'idée de se réapproprier au féminin une lecture des rides comme signe d'expérience, de vécu, comme etc., qui est autant d'éléments qui sont parfois valorisés pour les hommes. Le dernier point pour récupérer la classe sociale avant de lancer les échanges, la question qu'on peut poser, enfin que sont posées les sociologues et les anthropologues, et si des rapports de classe qui seraient à la faveur de femmes, c'est-à-dire des femmes socialement dominantes dans des rapports avec des hommes dominés du point de vue de la classe sociale, si ce genre de rapport peut renverser les rapports de genre fondés sur l'âge. C'est-à-dire, et là je pense à la figure on peut penser aux figures dont on fait un nouveau phénomène social, mais on peut en douter de savoir s'il y a quelque chose derrière, mais de la Cougar, la femme de 50 ans qui, dont le statut social, la notoriété, lui permet d'accéder au privilège d'avoir une relation avec un homme plus jeune. Alors on n'est pas dans des modèles, c'est pas la différence d'âge n'est pas une symétrisation des rapports entre hommes âgés et jeunes femmes, parce que ce n'est pas des écarts de 20 ou 30 ans, mais de 7 ou 8 ans ou 10 ans. Voilà, il y a des figures comme ça autour de Madonna ou de plus ou moins connues, ou bon, j'ai d'autres exemples dont le nom m'échappe. Et là, on peut constater que ce sont des femmes qui, dont le privilège, là aussi, d'être socialement dominante, leur permet aussi d'investir de l'argent dans le maintien d'une apparence jeune. C'est-à-dire qu'on n'est pas dans une femme aux cheveux grisonnants, avec un peu de ventre, qui serait avec un homme plus jeune, mais dans une femme qui a dont les ressources sociales et financières lui ont permis de pratiquer la chirurgie esthétique, par exemple. Christine Salomon, une anthropologue, qui s'est intéressée au rapport de genre, d'âge et de race et de classe, a fait un constat intéressant qui va un peu dans ce sens-là. Elle a fait une enquête, elle a fait plusieurs terrains s'intéressant aux femmes européennes vieillissantes qui ont des rapports sexuels tarifés ou non, ou tarifés ou indirectement tarifés, avec des noirs plus jeunes de 20 ou 30 ans. Elle a fait un terrain dans une discothèque parisienne qui est presque réservée à ce genre de rencontres. Et puis, elle s'est intéressée au mariage mixte aussi dans un village du Sénégal où c'est plutôt des femmes blanches plus âgées avec des hommes noirs plus jeunes. Et elle montre toute la complexité des rapports qui peuvent se nouer autour de ces échanges qui ne sont pas explicitement fondés sur une transaction économique, c'est-à-dire que ce n'est pas de la prostitution, il peut y avoir des sentiments, mais elle montre que renversement du rapport de pouvoir, c'est-à-dire des femmes qui sont des dominants du point de vue des rapports racialisés et du point de vue des rapports économiques, ne se retrouvent pas nécessairement dans une position dominante du point de vue du rapport de genre ou du rapport sexuel, c'est-à-dire que dans l'enquête qu'elle a fait, elle montre que les rapports entre ces femmes vieillissantes et ces hommes plus jeunes restent très traditionnels sur le plan des rapports de genre, qu'elles se sentent précaires parce que, par exemple, ces hommes jouent ont plusieurs partenaires à la fois, donc il y a des effets de rivalité. Elle montre que là, il y a une articulation intéressante à travailler des rapports de classe, de genre, de race et d'âge, mais que l'inversion des rapports actuels d'âge entre les sexes ne renverse pas forcément les autres rapports de pouvoir. Voilà quelques exemples. Merci beaucoup.